Nul d'entre eux ne vous forcera de mourir. Tous vous apprendront à quitter la vie. Aucun ne vous fera perdre vos années. Chacun y ajoutera les siennes. Nul ne vous compromettra par ses discours. Nul n'exposera vos jours par son amitié et ne vous fera chèrement acheter sa faveur. Vous retirerez d'eux tout ce que vous voudrez. Et il ne tiendra pas à eux que plus vous aurez puisé à cette source abondante, plus vous y puiserez de nouveau. Quelle félicité, quelle belle vieillesse sont réservées à celui qui s'est mis sous leur patronage. Il aura des amis avec lesquels il pourra délibérer sur les plus grandes comme sur les plus petites affaires, recevoir tous les jours des conseils, entendre la vérité sans injure, la louange sans flatterie, et les prendre pour modèles. On dit souvent qu'il n'a pas été en notre pouvoir de choisir nos parents, que le sort nous les a donnés. Il est pourtant une naissance qui dépend de nous. Il existe plusieurs familles d'illustres génies. Choisissez celle où vous désirez être admis, vous y serez adopté, non seulement pour en prendre le nom, mais les biens. Et vous ne serez point tenu de les conserver en homme avare et sordide. Ils s'augmenteront au fur et à mesure que vous en ferez part à plus de monde. Ces grands hommes vous ouvriront le chemin de l'éternité et vous élèveront à une hauteur d'où personne ne pourra vous faire tomber. Tel est le seul moyen d'étendre une vie mortelle et même de la changer en immortalité. Les honneurs, les monuments, tout ce que l'ambition obtient par des décrets, tous les trophées qu'elle peut élever, s'écroulent promptement. Le temps ruine tout et renverse en un moment ce qu'il a consacré. Mais la sagesse est au-dessus de ses atteintes. Aucun siècle ne pourra ni la détruire, ni l'altérer. L'âge suivant et ceux qui lui succéderont ne feront qu'ajouter à la vénération qu'elle inspire. Car l'envie s'attache à ce qui est proche, et plus volontiers l'on admire ce qui est éloigné. La vie du sage est donc très étendue. Elle n'est pas renfermée dans les bornes assignées au reste des mortels. Seul, il est affranchi des lois du genre humain. Tous les siècles lui sont soumis comme à Dieu. Le temps passé, il en reste maître par le souvenir. Le présent, il en use. L'avenir, il en jouit d'avance. Il se compose une longue vie par la réunion de tous les temps en un seul.